À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, les représentants diplomatiques et des institutions internationales et les attachés militaires en Corée, les familles des compatriotes coréens d'outre-mer ayant les connaissances au général Kim Jong-il, la délégation de commémoration des Coréens au Japon et la délégation de l'Association générale des Coréens en Chine, les autres étrangers et les compatriotes coréens ont visité le 17 décembre le palais du soleil de Kumsusan pour lui formuler leur hommage. Le même jour, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et les membres de la filiale ont également visité le palais du soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage sublime au général Kim Jong-il.